Aujourd'hui, on peut émettre des sujets. On peut parler des Mohawks, on peut parler de l'Irak, on peut parler des sujets d'actualité. Mais il y a aussi quelque chose concernant l'évolution qui probable. Ben, tout ce qui était dit à date était vrai, mais c'était pas. Tout ce que. Les conférences que tu as faites, tout ce que tu disais, souvent, il arrivait des moments où il n'y avait pas de mots pour dire, définir ce qui se passait ou ce qui était pour arriver. Et puis. C'est parce que j'ai l'impression, ce dont on parlait, c'est qu'on se distrayait en attendant. C'est sûr qu'il y a une grosse partie du travail évolutif qui est de la distraction. Est-ce que présentement, on peut dire que le temps est arrivé? On peut dire n'importe quoi. Mais est-ce vrai que le temps arrive? Oui. Puis s'en aller dessus? Non. Le temps arrive. Est-ce que le temps est arrivé? Ça, c'est autre chose. Mais c'est qu'il y a plusieurs choses. C'est que pour que l'on puisse dire que le temps est arrivé, il faut que le temps de plusieurs humains soit arrivé. Donc, si le temps d'une personne est arrivé, le temps n'est pas arrivé. Et c'est le problème, c'est qu'on pense continuellement en fonction d'un temps collectif, alors que l'évolution est tributaire de temps individuel. Donc, mon temps peut être arrivé, et si, pour que je puisse accomplir certaines choses du point de vue public, leur temps n'est pas arrivé, nécessairement, le temps n'est pas arrivé, et vice-versa. Alors, quand on dit « le temps est arrivé », non. Au niveau des signes du temps, c'est évident que, présentement, nous sommes entrés dans l'époque qu'on appelle la Troisième Guerre mondiale, nous sommes rentrés dans l'époque qu'on appelle l'Apocalypse, pour la simple raison que, dans les signes des temps réels, il y avait l'apparition de certains phénomènes christiques dans les Terres Neuves. Il y avait l'accomplissement d'une des prophéties de Jean 23 qui était accomplie en 79, qui donnait une idée qu'on s'approchait d'eux. Il y avait l'évolution à travers une prophétie qui disait qu'à un moment donné, en termes de guerre sainte, l'islam voudrait conquérir une partie du monde, sinon le monde au complet, et que lorsque le prince des Terres Neuves, on parle d'un président des États-Unis, se mêlerait des choses, et on visait surtout Bagdad, on entrerait dans la Troisième Guerre mondiale. Donc, nécessairement, du point de vue de l'évolution du temps, on peut considérer qu'effectivement, on est rendu dans l'âge de fer, de l'âge de fer, de l'âge de fer, c'est-à-dire qu'on est rendu dans un temps où il y aura progressivement l'extinction et l'accomplissement final de la cinquième race mère, et on verra en même temps la naissance d'une sixième race, et probablement l'intervention de mécaniques extraterrestres, et on aura peut-être sur le dos différents phénomènes de conflits politiques, conflits militaires, conflits raciaux. Quand je parle conflits raciaux, je parle surtout de phénomènes extra-intra et surterrestres, et on aura des conflits militaires. Mais avec la signature de Bagdad, surtout lorsque l'Irak a annoncé qu'ils avaient envahi le Koweït et ils voulaient envahir le reste uniquement pour chasser le diable, qui était les États-Unis d'Amérique, c'est typique d'une guerre sainte d'ailleurs. Et les États-Unis d'Amérique deviennent le diable et l'ont toujours été pour tout ce qui est extrêmement traditionnaliste. Et nécessairement, l'islam est totalement collectif et traditionnaliste. La façon dont les gens vont prier, la façon dont on va obliger un musulman à prier, c'est-à-dire que s'il n'accomplit pas tout à fait ce qu'il faut, c'est à coup de bâton, sinon à coup simplement de torture qu'on va l'amener à le faire. Alors, nécessairement, ils sont traditionnalistes, et les États-Unis d'Amérique, étant traditionnalistes néotypés, ils sont les gardiens, c'est l'armée qui va protéger la descente de l'intelligence supramentale dans les temps à venir, et nécessairement, ils sont le mur, ils sont le château fort entre le passé et l'avenir. Donc, tout ce qui est passé aura une tendance innée à vouloir détruire le château fort en question, de façon à pouvoir attaquer l'avenir, qui, elle, n'est pas structurée, qui, elle, n'est pas puissante, qui, elle, est encore extrêmement faible. C'est un avenir qui ne peut pas lutter présentement contre les forces du passé, donc contre les forces traditionnelles. Alors, les États-Unis d'Amérique ont cette capacité de pouvoir jouer entre les deux, et ils ont la capacité de s'ajuster, du point de vue planétaire, aux peuples les plus bas, ce qui permet à cette nation de pouvoir lutter, de pouvoir se battre, de pouvoir finalement empêcher le passé de venir conquérir l'avenir. Et de ce point de vue, du point de vue traditionnaliste, c'est évident que tout ce qui détruit une tradition divine est nécessairement quelque chose de satanique. Est-ce que c'est plus destructif défendre le supramental que, par exemple, de défendre le côté noir, parce que son compère est clair? Est-ce que c'était plus destructif pour lui que ça va l'être pour les États-Unis, par exemple? C'est-à-dire que l'Allemagne n'a presque pas perdu de soldats pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est les Soviétiques qui en ont perdu le plus. Et les Américains en ont perdu un petit peu moins que l'Allemagne, ils en ont perdu quelques-uns, mais c'est pas, ça n'a pas été énorme. On perd présentement, en termes d'êtres vivants sur le plan planétaire, à chaque année, on perd à peu près 2 à 3 fois ce qui s'est perdu pendant la Deuxième Guerre mondiale, en comptant tout le temps, uniquement en termes de famine, de maladies, d'accidents. Alors, ce n'est pas... cette Deuxième Guerre mondiale, en termes de conflits armés, elle a détruit beaucoup. La prochaine, disons, les probabilités de la prochaine guerre ou des prochains conflits mondiaux sont beaucoup plus grandioses. C'est-à-dire qu'il y a des pertes humaines, ça n'a rien à voir dans le sujet, ça, là. Tout ce qui est fait, ça concerne l'évolution, en fait. Plus que ce soit fait pour une personne, pour 10 ou pour 1 million, c'est quelque chose qui est difficile à accepter pour les égos humains, mais effectivement, mais c'est ça. Il peut y avoir une guerre mondiale uniquement pour aider un humain. C'est quoi son nom? Ça commence pas par M. Ni Maitreyol et Michel. C'est-à-dire la conscientisation individuelle amène qu'est-ce que je disais au début? Au début, tu disais qu'il y a des choses que je voulais pas dire. Oui. Non, j'ai pas dit ça. C'est ce que je pensais. L'évolution individuelle, le temps individuel amène en même temps arrive le temps collectif. C'est-à-dire que l'accumulation des temps individuels finissent par engendrer l'image d'un temps collectif qui est arrivé. Oui. C'est parce que dans le sujet, la collectivité, ça n'est pas nécessairement beaucoup de personnes. Non, sauf que présentement, où il y a plusieurs conjonctions de temps, c'est que c'est le temps pour l'islam probablement de se réveiller. Il y a quatre grands califes qui se sont réincarnés présentement, dont un dans le Kadhafi. Un dans le général de l'Irak, il y en a un qui s'était réincarné dans l'Ayatollah. L'Ayatollah est décédé lorsque ça va venir. Et lorsque ces quatre califes seront réincarnés, c'était quatre califes qui ont remplacé Mahomet après la disparition, après la mort de Mahomet. Et lorsque ces quatre califes seront réincarnés, il y aura de gros problèmes. On pourra parler de Maitreya? Pas tout à fait. On parlera surtout de celui qui est Maitreya. Maitreya aura de la puissance plus tard. Maitreya aura de la puissance lorsque l'humain sera cassé la gueule. Maitreya n'est pas suffisamment puissant pour empêcher les guerres. Maitreya sera suffisamment puissant pour les arrêter. C'est-à-dire qu'il va arriver après que... OK. Il va reprendre la relève, il va venir ramasser tout le monde. Quand tout le monde aura la preuve que ça ne sert à rien de servir un dieu, alors là, il viendra et les gens pourront servir un dieu. Oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est presque certain là, que lorsque tu parlais qu'on pouvait faire dévier l'évolution, pas l'évolution, mais les prophéties ou ce qui était pour l'avenir, le futur, eh bien là, ça semble être un échec. Non, ça semble peut-être, ça dépend des idées. Ouh. Disons que, par exemple, si le Québec parvient à s'entendre pacifiquement avec les Mohawks, probablement que la Troisième Guerre mondiale sera évitée. Et si le Québec ne parvient pas à s'entendre diplomatiquement avec les Mohawks, probablement que la Troisième Guerre mondiale arrivera. C'est un test. L'endroit sur la planète Terre où il y a le plus d'intelligence, qu'elle soit consciente ou inconsciente, c'est le Québec. Et présentement, on a affaire à une nation qui, elle, est tellement traditionnaliste, c'est une réincarnation des mémoires du passé, et on a un conflit majeur, comme on en retrouve à l'échelle plus grandiose sur le reste de la planète. Des individus qui se disent conquis, qui se disent bafoués, etc. Et dans l'idée même que l'humain se fait d'être bafoué, c'est toujours une question de relativité. Alors, tu peux bafouer un individu totalement et il sera heureux, alors que tu peux donner tout à un autre individu, il se trouve en protestation parce qu'il est bafoué. Donc, c'est toujours une idée de concept, c'est ce qui permet d'ailleurs aux grands manipulateurs, aux forces astrales, aux forces d'involution de pouvoir diriger des petites nations et de pouvoir les manipuler de façon à ce que continuellement ils soient en guerre contre tout. Hein, ils sont pour rien puis ils sont contre tout. Bon. Et c'est une forme de test. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de bifurcation de l'humanité, il y a deux humanités. Il y a celle qui t'habite toi, et il y a celle dans laquelle tu habites. La première bifurcation doit se faire à l'intérieur de toi, c'est-à-dire que c'est toi qui dois totalement décider de changer de camp. Tu dois faire le choix de l'homme nouveau, c'est-à-dire que tu dois ne plus être en accord énergétique, ni émotif, ni quoi que ce soit, avec ce qui se passe sur le plan planétaire. Autrement dit, lorsque de temps en temps, on a encore des idées qui nous feraient dire, eh bien, on devrait, par exemple, massacrer toutes les Mohawks, on est encore assujetti à l'islam, c'est-à-dire qu'on est encore assujetti à des visions destructrices qui engendreraient théoriquement la paix. Alors que il y a d'autres façons de penser. Sauf que les autres façons de penser font partie des néotypes, c'est-à-dire que l'humain, dans sa structure actuelle de psychologie, n'a pas la mécanique, n'a pas les éléments pour parvenir à penser ce neuf. Il doit donc nécessairement être en connexion avec le plan supramental, avec l'intelligence, qui va lui amener de l'illusion. Mais cette illusion est une illusion qui, encore une fois, a la capacité, comme l'illusion astrale, de conserver de l'énergie. Et on peut conserver de l'énergie dans de la forme, et que cette forme peut nécessairement provenir d'une structuration supramentale, comme elle peut provenir d'une structuration archétypée, collective, etc., donc traditionnelle et mémorielle astrale. Sauf que l'humain qui décide de servir la forme est un humain qui sert la tradition. L'humain qui décide de se servir de la forme est un humain qui sert l'intelligence. Lorsque l'être humain essaie, par exemple, de se dissocier de la voie actuelle de l'humanité, donc une voie apocalyptique, l'humain ne peut pas s'en dissocier en se disant « Si je serais le contrôleur d'une nation qui aurait des armes absolument terribles, je pourrais fermer la gueule à tous ceux qui veulent faire la guerre. » C'est un peu comme il y a un pyromane ici dans l'hôtel, je vais mettre le feu, puis on va voir, c'est qui va aimer regarder le feu, puis on saura c'est qui le pyromane. Il y a une tapette ici, donne-moi un bec, on va dire c'est qui. Hein? Lorsqu'on pense qu'on va parvenir, qu'on est capable d'arriver à faire la paix en détruisant tous ceux qui veulent faire la guerre, on est déjà la cause totale de l'apocalypse. Alors, à travers une raison qui semblait logique, on devient celui par qui passera justement l'apocalypse. Alors, l'islam, c'est un peu ce qu'ils veulent faire. Les musulmans veulent la paix. Ils veulent la paix totale. Et la paix, ils ne la considèrent, ils ne croient en la paix que dans l'islam. De ce fait, ils vont s'arranger pour que toute l'humanité soit en paix. Bon, alors nécessairement, c'est ce que les chrétiens ont voulu faire. Les chrétiens, pendant longtemps, ils ont massacré uniquement pour que les gens puissent être sauvés. Ils voulaient que les gens vivent en paix. Dans leur paix. Leur paix. Et c'est toujours le problème. Le communisme, c'est la même chose. Le communisme avait un seul objectif, c'est de conquérir le monde pour que tout le monde puisse être égaux. Et les gens qui se croyaient heureux dans le capitalisme, c'est des gens inconscients qui étaient totalement malheureux et qui ne le savaient pas. Un peu comme la Dianétique va l'enseigner. Tu es heureux, c'est une forme de maladie. Ton bonheur est un bonheur faux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas payé 40 000 piastres pour passer par la Dianétique avant. Donc ton bonheur ne peut pas être vrai. Et après 45 000 piastres, eh bien, il te manque encore des éléments. Et puis on n'en sort pas. C'est leur paix. Et ça, c'est un grand, grand, grand problème. Pour parvenir à faire le choix de l'homme nouveau, de la femme nouvelle, ce que l'on doit faire, c'est que l'on doit être capable de s'associer à des choses neuves. Ces choses neuves n'auront pas de résonance merveilleuse au départ dans l'astralité de chaque individu, parce qu'elles proviennent du neuf, elles proviennent de l'avenir, elles ne proviennent pas du passé, ce qui fait qu'il n'y a pas de moyen endocrinien de traduire la vision du néotype, donc de traduire la vision supramentale d'un avenir beau, d'un avenir écologique, en expression endocrinienne. Ce qui fait que lorsque l'on a peur, par exemple, d'une guerre, c'est plus facile de sécréter corporellement. Lorsque l'on a peur d'une guerre, lorsque l'on espère gagner un million de dollars, des choses comme ça, des choses qui ont déjà été sécrétées par les humains, c'est beaucoup plus facile de l'exprimer, donc de le traduire en astralité, que si, par exemple, tu croirais à l'intervention extraterrestre ou tu croirais, à un moment donné, à une séparation de mondes parallèles qui va faire en sorte que toi, tu n'auras pas à vivre l'apocalypse des autres. La seule façon de parvenir à s'échapper de cette mécanique, ce n'est pas de quitter le plan planétaire. Pour la simple raison que le corps physique est une enveloppe, et ça, on s'en fout bien, on doit s'en foutre du moins. C'est sûr que tant qu'elle est utile, on l'entretient. Si on peut la conserver, ça a certains avantages. Sauf que si on doit perdre l'enveloppe en question, on perd le corps le plus inférieur. Donc, on ne perd pas le corps le plus important. Nécessairement, on devra restructurer, reconstruire. Cela va prendre quelques temps et un peu d'énergie. Mais ce n'est pas la mer à boire. C'est beaucoup plus facile que boire l'océan. Lorsque l'humain veut se dissocier, l'humain ne doit pas envisager une fuite ou un échappatoire aux années à venir en fonction de structurations qui nous ont été enseignées à travers l'histoire. Donc, ce n'est pas, par exemple, en créant une armée extrêmement puissante, ce n'est pas en faisant ce genre de choses. Il y aura intuitivement de l'information qui sera digérée et accessible par certains humains. Et ces humains auront la capacité, donc, de se servir de cette information pour pouvoir se diriger eux-mêmes. Et ils seront, de temps en temps, certains humains seront les antennes de d'autres, c'est-à-dire que d'autres individus auront la capacité intuitive de reconnaître ceux qui ont la capacité de savoir. Alors, il ne faut pas préparer trop d'avance la façon dont on va vivre, les années à venir, pour la simple raison que les années à venir ne sont pas encore cristallisées. Il y a différentes probabilités encore qui sont possibles. Et il y a des probabilités que l'humain, psychologiquement, ne connaît absolument pas. De ce fait, si l'humain veut envisager une survie en considérant des éléments qu'il ne connaît pas, tout ce qu'il va envisager sera de toute façon à côté du chemin. Il ne sera pas en conformité avec ce qui peut arriver. Et tout ça, c'est dû au fait, par exemple, que dans si je fais partie de l'Apocalypse, je ne peux avoir aucune idée de ce qui m'attend si j'en, ce qui m'attendrait si j'en ferais pas partie. Exact. Donc, et l'humain doit développer un calme, l'humain doit s'arranger pour... quand je dis, de temps en temps, il y a des mots qui manquent, c'est qu'on ne doit plus vivre une évolution méritoire, mais l'humain doit mériter de traverser dans l'ère nouvelle. Ouais, bon. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mérite veut dire deux choses. Exactement comme si on dit, tu ne dois pas te vanter, mais tu dois annoncer tes capacités. Ben, c'est un peu la même chose pour quelqu'un qui ne comprend pas la nuance. L'évolution méritoire, c'est l'évolution où on cherche à se recouvrir d'or, à s'adorer soi-même de l'effort que l'on a accompli pour arriver à une étape. Alors que mériter veut dire, en réalité, ce n'est pas mérité, c'est simple, mais c'est comme mériter, c'est que l'humain qui voudra se dissocier de l'apocalypse des autres est un humain qui doit mériter d'être transporté. Et mériter d'être transporté, ce n'est pas en fonction de recevoir un mérite. Autrement dit, c'est que l'important n'est pas qu'on te donne un diplôme, l'important est qu'on te diplôme. Alors, s'il y a des êtres humains, par exemple, qui ne sont pas écologiques, qui ne sont pas purs, qui ne sont pas conséquentiels, qui ne sont pas dans une phase évolutive où ils font un maximum de... où ils placent un maximum d'énergie dans l'accomplissement de leur changement, et ces individus-là ne sont pas méritoires. Leur évolution n'est pas méritoire en ce sens qu'on ne sauvera pas le martyr. On va sauver celui et celle qui est en affinité avec... le canal par où l'élu doit passer. Et quand je dis mériter, c'est un peu ce que ça veut dire. C'est par exemple, comme si tu te dis, quand l'extraterrestre arriverait, j'arrêterai de me droguer. Et quand il va arriver, lui va dire, bon, qui ne se drogue pas? Alors, moi, je ne me drogue plus. Je ne veux pas savoir qui ne se drogue plus, je veux savoir qui ne se drogue pas. Alors, il y a une forme de... Les mots sont toujours dangereux. De ce fait, l'être humain qui mérite d'être sauvé sera celui qui sera transporté. Mais on ne peut pas travailler dans le but de gagner le mérite. Alors, autrement dit, on peut dire qu'il y a une personne qui mérite quelque chose, qui mérite, il ne mérite rien, mais qui a le mérite de pouvoir être sauvé, de pouvoir être transporté, et cette personne, elle n'a jamais rien fait pour arriver là. Une autre personne a travaillé toute sa vie et elle méritait aussi d'être transportée. Les deux seront transportés dans la même classe. Alors, si on vivrait de l'évolution méritoire, l'un des deux, celui qui a travaillé beaucoup, dirait « c'est injuste, moi j'ai travaillé comme un bon, comme une bonne, comme un imbécile, et puis j'ai pas plus que l'autre ». Dans cette vision des choses, c'est là qu'on doit comprendre que l'évolution méritoire, on n'en a rien à foutre. Par contre, les deux méritaient d'être transportés, alors qu'il y en a un des deux qui pourrait dire, moi je mérite plus, je travaille plus. Tu ne mérites pas d'être transporté pour ce que tu as fait, mais pour ce que tu es, pour ce que tu es, exactement. Mais qu'est-ce qui fait que, justement, il y en a qui... Ça crée un problème pour les égos comme le tien. C'est que toutes les personnes qui travaillent énormément vont créer des traces dans l'astral. À un moment donné, il y a un individu qui va subitement jamais rien faire, prendre cette trace-là, puis être transporté, toi, tu vas rester ici. Mais c'est déjà commencé. Parce que lui aura accompli facilement sans avoir à travailler, toi, tu n'accompliras pas. C'est-à-dire que tu ne mettras peut-être pas nécessairement tout en pratique, alors que pour l'autre, c'est plus facile. Et c'est pourquoi je dis que c'est celui qui mérite d'être transporté, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, donc ce n'est pas par rapport à ce que tu as fait, mais par rapport à ce que tu es. De ce fait, instantanément, un individu, au bon moment donné, peut faire partie de ceux qui méritent d'être transportés. Pourquoi? Parce qu'ils sont totalement en affinité énergétique avec la forme nécessaire au transport. Même si je comprends, je trouve ça plate. Parce que tu ne comprends pas? Parce que je ne comprends pas tout. Ouais, mais finalement, c'est ça, parce que je ne comprends pas. C'est que j'ai jamais voulu être le premier à tout défricher, puis, mais puis avoir la hache dans la main, puis tout défricher. Oui, celui qui bâtit le village, puis qui meurt après, puis c'est les autres qui en profitent. Puis c'est un peu ce sentiment-là que j'ai depuis un bout de temps. C'est pas que je suis le premier en avant, mais je fais partie. Donc, tu es le quelques milliardième en arrière. Et c'est une chose, c'est que tu vois la différence de potentiel. Parce qu'il y en a qui ont travaillé, il y en a qui ont souffert, il y en a qui ont été torturés, même martyrisés, même dans cette vie-ci, comme dans le passé, mauditement, plus que toi, comme tu le seras jamais. Et eux, ils vont rester dans la mémoire. On ira les chercher après si on y pense. Ils font partie de ceux qui ont construit la structure sociale qui te permet d'être assis présentement ici, confortablement. Oui, la différence entre nous deux, c'est que c'est le niveau, c'est la conscience de l'action qui est portée. Donc, tu n'as pas travaillé pour avoir la conscience que tu as là. Et en même temps, ton ego se dit, « Ouais, mais moi, je ne vais pas être celui qui laboure. » Attends, ben ouais, t'as deux, trois petits mauvaises heures. Non, OK, ce que je n'ai pas terminé, c'est que je suis d'accord avec ça, mais l'affaire, c'est que... Je ne peux pas non plus m'asseoir et me retirer, attendre qu'il y en ait d'autres qui le fassent pour pouvoir les suivre et y aller facilement comme... Non, parce que ton ego va faire... Ton ego est quand même manipulé par de l'intelligence. C'est ce qui te permet un changement rapide. Et ton ego est suffisamment manipulé pour se dire, je ne veux pas c'est une illusion, mais l'ego va se dire, je ne veux pas laisser quelqu'un d'autre faire le chemin, parce que tout d'un coup, qu'il passe pas, au moins, je peux passer. Bon, alors, je vais faire le chemin, mais en même temps, ça me dérange de faire le chemin, parce que les caves, ils vont suivre en arrière. Mais tes papas te suivent un cave en avant, parce que d'un coup, qu'il n'arrête pas au restaurant, moi, j'aurais arrêté. Ça, j'ai monté avec le chef. Yo! Ah oui! Mais ça, c'est une manipulation d'intelligence qui force l'ego à accepter de continuer à avancer. C'est comme s'il dit, il y a des choses que je n'aime pas, mais ne pas être là, j'aimais encore moins ça. Ouais. Bref, tant qu'à pas aimer, autant pas aimer moins. Je suis d'accord que j'ai pas, en tout cas, on n'a pas le choix, et j'ai pas le choix. Il y a l'autre chose aussi, c'est que c'est complètement, c'est de l'ordre de la compétition, c'est, tant qu'à être dedans, tout de même d'arriver le premier. Le premier servi, tu sais. Ouais, bah, si on te sert le premier, puis t'es pas fin, c'est pas... Pas à peine. De toute façon, je mais l'important, pas. C'est d'être servi au bon moment, et non pas d'être servi le premier. Je sais, mais égoïquement. Absolument, les égos, c'est, oui. Mais c'est ce qui permet à des individus de continuer à avancer tant qu'ils ne sont pas totalement centrés dans leur intelligence. Alors, dans ce temps-là, ils ont un égo manipulé par l'intelligence, un égo qui devient un égo positif, un égo qui leur permet d'avancer. Puis, il en reste un égo, mais un égo qui commence à servir l'intelligence. Non, mais c'est des égos fous. Ben oui, c'est évident. Pour elles-mêmes. Absolument, les égos travaillent toujours contre eux. Ça, mais il y en a qui font la guerre, tu dis de quoi tu aurais toujours contre eux. C'est lui qui vit dans l'opulence, qui est toujours évaché, puis qu'il y a du monde pour le servir. C'est à 45 ans, il y a même de la misère à se crotter. Les égos travaillent toujours contre eux. Un égo travaille toujours contre. Et... Il veut conserver le passé. Puis c'est faux un peu aussi. Ben, il n'arrive jamais à conserver le passé, finalement il travaille toujours pour lui. Mais consciemment, il travaille toujours contre lui. C'est-à-dire qu'inconsciemment, il travaille toujours contre lui, alors que consciemment, il pense travailler pour lui. Mais consciemment, inconsciemment, c'est-à-dire que cosmiquement, il travaille pour lui, alors qu'il ne le sait vraiment pas. Autrement dit, un égo travaille toujours pour lui en se détruisant. Mais il pense qu'il construit. Ça, c'est inévitable. Et cosmiquement, il construit, mais ça, il ne sait pas, lui. Il ne sait pas ce qu'il construit, en tout cas. Absolument inévitable. Qu'est-ce qu'il le sait? Quand l'intelligence. Quand l'égo le sait? À l'intérieur d'un humain, là, à un moment donné, qui sait ça? Mais c'est ce que c'est quand même l'ego qui l'informe tranquillement. Alors, le mental est au courant, le mental, l'ego puise dans le mental ne l'informe pas, mais l'ego va chercher de l'information et il ne peut pas reconnaître la valeur énergétique de l'information. Donc l'ego se dit, tiens, je suis manipulé. Ben oui, ok, il n'y a aucun problème. Mais l'ego ne sait pas qu'il est manipulé. L'ego, il pense qu'il a. Tiens, je n'ai pas de libre arbitre. Ah, eh bien. Bon, maintenant, je vais décider ce que je vais faire demain. Et donc, l'ego le sait, l'ego l'a appris, mais l'ego n'a pas de valeur, il ne connaît pas la valeur et la valeur énergétique de ce qu'il sait. Alors l'ego peut dire, crime, chaque fois que je travaille contre moi, ah ben c'est con, c'est tout, il n'y a aucune souffrance là-dedans. La journée où l'ego va découvrir l'amplitude de la valeur énergétique, c'est lorsque l'individu va se rendre compte que ce qu'il sait est vrai. Et ça, c'est un choc, un traumatisme assez dangereux pour l'ego. Et là, il y a un gros processus de négociation énergétique qui se fait rapidement. Et lorsque le processus de négociation de cette partie d'ego qui vient de découvrir que ce qu'il savait était réel, est accompli, la souffrance disparaît. Parce que l'individu se dit, je n'ai pas de libre arbitre, donc je ne peux pas rien décider, c'est con. Ben, de toute façon, c'est ça. Je dis que c'est ça, autant continuer. Bon, il n'y a plus de problème. D'où vient la souffrance, là, cette souffrance-là? C'est une friction entre quoi et quoi? Ben, c'est simplement l'ego qui vibre maintenant énergétiquement, résonne totalement au savoir qu'il avait en mémoire avant. C'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus de la mémoire, c'est que la mémoire a été vivifiée par l'intelligence. Donc, l'ego ne se rappelle pas qu'il sait qu'il n'y a pas de libre arbitre. L'ego est totalement sur un pic entouré d'un immense profond précipice, écrit non-libre arbitre dedans. Maintenant, l'ego vibre énergétiquement dans le présent, dans l'instantané, ce qu'il savait mémoriellement avant. Et cette partie de l'ego devient automatiquement de l'intelligence, donc d'un minimum de l'énergie vitale, ce qui va engendrer un double éthérique. Et la partie de l'ego qui est en train de se démolir, qui est sur le bord du précipice, en train de remarquer qu'il tombe, ne prend pas conscience qu'il se métamorphose en oiseau, mais le temps qu'il prend conscience qu'il tombe, il a peur. Et c'est la souffrance. Après ça, il se métamorphose en oiseau, sauf que la conscience de l'oiseau n'est pas la conscience du tombeur. Ce qui fait que ça reste le même individu, mais maintenant, il n'a plus peur, il vole. Il ne se rappelle même pas d'avoir eu peur. Est-ce que ça peut arriver assez souvent que... T'es en chute libre souvent, mais finalement, les ailes ne poussent pas parce que tu recules. C'est-à-dire que tu t'agrippes après la paroi du précipice, puis nécessairement, l'individu tombe de 10 pieds en 10 pieds, mais il se lance pas. Non, il va arriver en bas. Sauf que c'est pas en bas, il faut aller. Ouais. Putain, ouais. Mais c'est évident que puis il y en a qui vont arriver en bas, moins en bas, tu vas arriver après. Tu vas arriver sur eux autres. Tu vas finir par rester en haut. Mais l'idée de voler, C'est pas de rester en haut, c'est pas d'aller en bas, c'est pas de descendre, c'est pas de monter. Là, il y a une attitude à atteindre. Il y a une attitude à exprimer. On exprime l'attitude, oui. Mais égoïquement, c'est à atteindre. Bof, l'ego les atteindra même pas. Ben, il y a toujours deux façons de procéder. Le sel de l'ego. Parce que l'évolution, si on s'en mange tout de suite aujourd'hui, là, c'est quand même l'ego qui a l'impression qu'il a le libre arbitre d'évoluer et qu'il veut continuer vers ça. C'est ça que les gens agissent toujours comme s'ils avaient un libre arbitre alors qu'ils n'en ont pas. Et ça permet à l'ego de pouvoir continuer à habiter le corps physique sans trop souffrir, alors que l'individu cesse totalement de souffrir lorsqu'il découvre qu'il n'a pas de libre arbitre et lorsqu'il agit comme s'il n'avait pas de libre arbitre, il ne souffre plus. Il ne fait plus de choix, il ne prend plus de décision, il n'attend plus, il commence à accomplir. Et pour un ego, lorsque je dis ça, ça n'a aucun sens. Mais si je ne prends plus de décision, je ne fais plus rien. Effectivement, tu ne fais plus rien. Mais tu n'es pas la totalité de l'être humain. Toi, tu ne feras plus rien. Tu suivras. Mais pour un ego, si l'ego décide de faire comme s'il avait de l'intelligence, là, effectivement, l'individu devient barré, l'individu ne fait plus rien. Pourquoi? Parce que c'est l'ego qui a décidé de ne rien faire et qui veut, si je ne fais rien, c'est qu'il n'y a rien qui se fait. Pour l'ego. Donc, l'ego continue à avoir l'idée qu'il a un libre arbitre. L'individu qui découvre qu'il n'a pas de libre arbitre, tout ce qu'il a à faire maintenant, c'est d'accomplir. Mais l'individu se dit, oui, mais je vais accomplir quoi? Donc, il continue à penser qu'il a un libre arbitre. Et que s'il arrête, s'il cesse de s'en servir, il n'y a plus rien qui va se passer. Et donc, l'individu, l'astral, l'ego, n'a toujours pas compris ce qu'était le libre arbitre, ce qu'était l'arbitre, ce qu'était l'action. Et du moment qu'on a une décision à prendre. On n'a pas de décision à prendre. Ben, c'est ça, on sent. Automatiquement, on a l'impression d'avoir un libre arbitre, on a une décision à prendre. Oui, c'est un piège de l'ego qui vient te dire prends bleu, prends blanc, prends noir, prends bleu, prends noir, prends bleu, prends noir. Tu dis oui, mais là, je ne sais pas. C'est ça. Puis après ça, l'astral va dire prends bleu, prends bleu, prends noir. Prends bleu, prends bleu, prends bleu, prends noir. Ah, je vais prendre bleu. Puis après ça, ça me sent encore fourré. C'est ça. L'humain n'a pas de libre arbitre. On le niaise simplement, on t'amène des informations contradictoires de façon à t'entretenir. L'humain sécrète énormément quand l'humain est pris à devoir prendre une décision. Oui. Bon, alors on te nourrit simplement. Si, comme je le disais dernièrement au PMC+, tu prends un 25 cents, tu es dans un verre, tu regardes ce que ça donne, est accompli. Bon, ça veut dire qu'il n'y a plus de décision à prendre. L'humain perd beaucoup plus d'énergie en ne prenant pas de décision qu'en prenant de mauvaises décisions. Mais là, dans le contexte planétaire, il n'y a pas de bonnes décisions, puis il n'y a pas de mauvaises décisions, il n'y a que de la manipulation. Quel que soit le bord où tu vas aller, tu vas de toute façon te ramasser là où tu dois aller. Oui, mais c'est... C'est simplement que si tu décides de faire confiance à rien, tu sais, au début, c'est la même chose. On parle, tu es sur le bord d'une montagne. Faut que tu te jettes en bas, ça te transforme en oiseau. Ton ego peut dire, oui, mais tout le temps que je tombe avant de me transformer, je tombe. C'est vrai. Mais tu ne seras jamais mal. Mais c'est évident que tout le temps que tu tombes, si tu ne penses qu'à remonter en haut, tu refuses les ailes et les plumes, ben, à un moment donné, ça va peut-être te faire mal. Parce qu'on ne sait pas comment le temps dure la chute. Non, sauf que ça ne dérange rien. L'important n'est pas le temps qu'elle dure. C'est comment elle termine. Plus elle est longue, plus que tu plus t'as de chance de te mettre à douter. Exactement. Puis il faut pas que ce soit bien long pour que ce soit long pour un ego. Mais c'est exactement cela. Quand je dis de faire une vérification expérientielle, un test supplémentaire, ça donne un très bon résultat. Toutes les fois que cela a été accompli convenablement, et encore là, les égos s'interdisent de vérifier, de faire un test supplémentaire, de vérifier. On a toute la mécanique qu'il faut pour avancer. On a toute la mécanique. Tout ce qui reste maintenant, c'est de ramasser suffisamment d'énergie pour être capable de l'appliquer. Mais on a toute la mécanique qu'il faut. Mais c'est quoi un test qui dit oui-non? Tu te rends compte que présentement, un test qui dit oui-non, on a même, en réalité, tu n'as même pas besoin de test qui est rendu à un certain niveau. Le test qui dit oui-non, c'est uniquement un test manqué, un test où tu n'as pas suffisamment d'énergie pour le diriger convenablement. Un test qui te dit oui-non, c'est comme à un moment donné où je me pose la question, bon, je fais des conférences, et puis s'il n'y a pas 50 personnes ce soir, je cesse de faire les conférences. Alors, quand je vérifie à l'entrée, on me dit qu'il y a eu 51 personnes. Alors, il faut que je continue à faire des conférences. Sauf que deux personnes sont parties avant l'entraque. Ouais. Bon, alors il y a donc 49 personnes. Mais il y en a 51 qui sont rentrées. Mais il y en a 49 qui ont assisté. Est-ce qu'il y en a eu 50? Ah, ben non, pas eu 50. La réponse, c'est oui. Ouais. C'est ça. Alors, est-ce que je dois arrêter? Ah, il y en a eu 51, mais il y en a 49 qui ont assisté. Ton test n'est pas assez précis. Ben oui, mais là, il faudrait que tu te mettes à dire que 50 qui comprennent tout. Là, tu n'en sors plus. Ça voulait dire quoi? Ça voulait simplement dire que la question, probablement que tu t'inquiétais d'une chose qui ne te regarde pas du tout. Alors, les tests restent bons. Ça veut dire, oublie ça. Continue à faire ce que tu fais présentement, le reste ne te regarde pas. Si tu as arrêté, tu arrêteras bien. Puis si tu as continué, tu continueras bien. Pour l'instant, tu oublies. C'est un oui qui ne te regarde pas. Il n'y a pas de décision à prendre là. C'est en rapport avec l'attitude de confiance ou... tu t'en vas, puis t'as pas de libre-arbitre, t'as pas de signe en part. Regarde, c'est comme si on te dit, à un moment donné, la façon de... Bon, il y aurait un vaisseau extraterrestre quelque part, et puis la façon d'aller le rencontrer, c'est de prendre un avion, d'aller en Israël, de là, embarquer dans un autobus tête-cul, et puis lui, il va te traverser la frontière, il va t'amener jusqu'en Irak, et puis dans un désert irakien, là, où ce qu'il y a présentement, où c'est cantonné plein de soldats, eh bien, il y aura du secours volant, ça va te chercher à telle date. Là, tu te dis, hey, tu sais, comme quand je suis en maudit, je me ramasse là, moi. Oui, mais c'est peut-être la seule place qu'elle va aller, mais c'est... Alors, l'humain doit s'arranger pour découvrir comment... Et comment... C'est toujours à toi que tu ne fais pas confiance. Alors, l'être humain devra développer, c'est de l'énergie qui lui manque. Tout ce que l'être humain a besoin présentement, c'est de l'énergie. Tout ce que l'humain a besoin présentement, c'est une structure où il devra accomplir des choses qu'il a apprises de façon à pouvoir se structurer, se bâtir et monter. Tout ce que l'être humain a besoin présentement, c'est de l'énergie. Je parle évidemment de ceux qui ont fait le PMC. Je ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas encore la mécanique. Ils ont besoin d'informations et d'énergie. Mais présentement, l'humain, ce qu'il a besoin, c'est de l'énergie. Et l'énergie doit s'arranger pour aller la chercher. La plus grande façon d'aller chercher la première façon d'aller chercher de l'énergie, c'est d'appliquer des choses qui sont en relation avec les corps en question. Un corps physique, corps vital, corps astral et corps mental. La deuxième façon est d'aller chercher, la grande façon d'aller chercher de l'énergie est de faire de la magie. Et progressivement, les êtres humains qui auront à changer de camp devront devenir les magiciens. Quand on parle de magicien, on veut simplement dire capable de contrôler de l'énergie vitale. Et cette énergie vitale, elle a été informée, donc elle a été mise en forme, et elle a été placée dans le monde de la mort. C'est de l'énergie astrale. Celui qui est magicien a la capacité de prendre les formes, de détruire les formes, de prendre l'énergie, de faire d'autres formes, de bâtir des choses. L'être humain qui aura à changer devra être capable de faire cela pour la simple raison que toute cette énergie, cette forme sert les dieux, sert les animaux humains, sert les guerres, sert les destructions. Et c'est au nom de la constitution de ces égrégores que l'on... distribue la drogue, l'on distribue la violence à l'échelle de la planète. Alors nécessairement, si l'on veut être transitif, si on veut créer des canaux, ben, l'humain, il y a énormément de choses que l'être humain qui se conscientise ne sait pas. Premièrement, j'ai déjà expliqué qu'on a passé de l'étape physique, on est passé à l'étape vitale, on est passé à l'étape astrale, psychologique, et à chaque fois qu'on passe d'une étape à une autre étape, il y a des choses qu'on abandonne. Donc c'est toujours au détriment des qualités acquises antérieurement que l'on va chercher de nouvelles qualités. Sauf qu'il vient à un moment donné où on doit faire la synthèse, où on doit résumer. Et la fin des cycles, on est à la fin d'un cycle, où on doit résumer. C'est-à-dire que toutes nos lignées familiales se réincarneront chez soi, chez nous. Donc on résume. Donc on aura évidemment tous les espoirs de nos ancêtres, on aura toutes les violences de nos ancêtres, on aura plusieurs choses du même genre. Tout ce que nous, on refusera de réincarner, les voisins le réincarneront. Les voisins, c'est ceux qui font encore partie des mêmes lignées génétiques que vous. Alors à un moment donné, nécessairement, il y aura des peuples qui vont réincarner plus de mal, plus de violence que d'autres. Et les peuples qui réincarnent la violence et le mal sont les peuples qui ont toujours dominé. Pourquoi? Parce que eux, ça ne les dérange pas de casser la gueule à quelqu'un ou de les envahir ou de les tuer. L'Irak a dit, si les Américains veulent s'en mêler, on va c'est avec des armements chimiques qu'on va attaquer l'Arabie Saoudite. Un armement chimique, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça n'a pas de discernement, c'est quelque chose que vous respirez, qui vous rend aveugle, qui vous brûle les bronches, qui vous, ne vous tue pas nécessairement. Et ça massacre tout le monde. Bébé, nouveau-né, vieillard, enfant, soldat, animaux, tout. Ça s'en va. Ça pollue l'eau après. L'eau coule. Ça va tuer d'autres peuples. Tant pis pour eux autres. Le mal, alors que si nous sommes armés et nous sommes un peu plus blancs, on ne pourra pas faire ça. L'avantage des États-Unis, c'est qu'ils peuvent le faire, eux. Pourquoi ils peuvent le faire? Parce qu'ils ont la capacité encore de s'abaisser, de s'adapter au niveau de ceux qui avaient contre qui se battent. Et on dira, ils sont aussi chiens que les autres. Exact. Tant mieux. Sinon, on aurait perdu la guerre. Chance. Et oui, on aurait perdu la guerre sans ça. Ça veut dire qu'il faut être armé de la magie. C'est ça. Il faut être magicien. C'est à ce moment-là... Je vais t'expliquer quelque chose. Vas-y. Il s'est passé, c'est dans l'astral que ça s'est passé, c'était des personnages qui, à un moment donné, ont décidé de se retirer de la structure planétaire. Mm-hmm. Ces personnages-là c'était un petit nombre, ils se sont réunis en pleine forêt sur le bouclier canadien, un soir, et ils s'étaient donné rendez-vous là, ils avaient pris une date. La date était quelques mois dans l'avenir. Alors, ils se sont dit, à telle date, on va se réunir à telle place. Alors, ils ont pris une carte, ils ont trouvé un lac, ils ont trouvé une place, comme ça. Très, très, très difficile d'accès, où il n'y a pas de chemin théorique sur la carte. Et ils ont dit, tiens, on va se réunir là. Et il s'était dit, test de vérification supplémentale, s'il y a un minimum 5 personnes qui se réunissent là, c'est qu'il y a quelque chose qui devra découler de ça. Alors, quelques temps après, ils ne se voient pas, ils travaillent, ils font leurs choses, et les 6 mois arrivent, la date arrive. Alors, il y a un personnage qui décide de partir. Il marche, il campe, il s'en va, il arrive où? Il arrive sur ce lac, il arrive sur une petite terre, une petite langue, une péninsule qui avance dans le lac, et il s'assoit. Il est 4 heures de l'après-midi. Alors, il se dit, eh bien, on va voir si les autres ont oublié. Et à un moment donné, bien, il y a quelqu'un qui arrive dans le bois. C'est un deuxième connard. Et c'est un deuxième stupide, deuxième manipulé. Ce sont deux tatas en plein milieu de la province de Québec. C'est une terre à attendre. À attendre 3 autres têtes connards. Subitement, il y en a un troisième qui arrive. Ah, faut être imbécile, on m'a dit 3 imbéciles. Et à un moment donné, il y a le quatrième imbécile qui arrive. Et les 4 imbéciles se disent, on est des imbéciles total si le cinquième vient pas. Puis on est des génies si le cinquième arrive. Et c'est toujours la problématique de l'ego, c'est que l'ego se voit toujours comme étant manipulé, comme étant une personne qui se fait avoir. Mais c'est vrai, tant qu'on n'a pas bouclé la clé. Et subitement, bien, il arrive un cinquième connard, il n'est même venu un sixième. Alors, après quelques mois, il y en avait au moins 6 qui avaient publié sur les 6. Alors, ils se sont dit, il y a quelque chose qui se trame dans l'air, à l'air de ça. La nuit tombée, ils ont discuté. Ils ont uniquement discuté d'utopie, ils ont discuté d'extraterrestres, ils ont discuté de d'autres planètes, ils ont discuté de tout ce qu'ils pouvaient voir, c'est-à-dire qu'ils ont déblatéré totalement. Ils ont essayé de prendre de l'énergie formelle, de l'énergie qui a été formée dans le plan supramental, pour se la faire leur. Donc, la terrestrifier et la descendre. De ce fait, ils devaient parler de forme, la mettre en parole. La nuit venue, ils se sont fait entourer de forces noires extrêmement puissantes, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient importants parce qu'il y avait des forces noires importantes autour d'eux. Et on ne se déplace pas pour des imbéciles. Alors, ils ont cristallisé le lac, ils ont marché sur le lac, ils ont parlé à Satan, ils ont rejeté Satan, ils ont expliqué plusieurs choses à l'astral du Québec. Et lorsqu'ils sont ressortis, ils se sont dit, on va encore faire une nouvelle vérification, c'est qu'on va continuer à vivre la vie qu'on vit présentement, et à un moment donné, on se retrouvera ici. Alors, il y en a un qui dit « quand », et celui qui parlait un peu plus que les autres leur dit « c'est ça ». Alors, ils se sont donc redispersés, ils ont vécu encore un petit bout de temps, chacun vaquait à leurs occupations, et à un moment donné, quelque chose est arrivé où ils ne pouvaient plus, allergique totale. Alors, il y en a un qui a sacré son camp, qui s'est ramassé dans la forêt. Et en 3-4 jours, les 6 se sont retrouvés là au bon moment. Alors, ils se sont dit, nous ne sommes plus de la planète Terre. Nous n'avons plus rien à faire ici. Il n'y a aucun pays dans le monde où on aimerait aller. Il n'y a aucune Terre. Si on élimine l'humain, toute la planète nous intéresse. Mais il n'y a pas d'endroit fiable. Un endroit où on pourrait aller, par exemple, bâtir quelque chose et dormir, les portes débarrées, même en plein milieu de la jungle, sans avoir jamais peur d'une tribu, d'un être humain ou d'aucun prédateur. Il n'y a pas d'endroit sur la planète où on serait heureux d'aller sans armes. Et plus les événements avançaient autour d'eux dans le monde, plus c'était évident que plus on avait d'armes, plus on avait de chances de vivre. Alors, à un moment donné, ils se sont décidés, ils ont dit, eh bien, on va faire, puisque les Mohawks, d'ailleurs, ont fait, mais d'ailleurs, ils s'étaient dit, les Indiens ont le droit, nous aussi. Alors, ils se sont dit, on va simplement aller sur les territoires de la couronne et on va choisir le plus bel emplacement. Qu'on soit n'importe où sur le plan planétaire, on aura de toute façon à lutter. Alors, pourquoi s'en aller très loin, autant aller très près, tant qu'il y avait les mêmes problèmes? Et on va aller, alors ils sont allés sur les terres de couronne, ils ont commencé à défricher, écologiquement, ils ont commencé à bâtir des maisons, et ils se sont construits une petite place, et progressivement, ça s'est su, évidemment, il y a du monde qui a protesté, ceux qui protestent en premier, ce sont les jaloux, donc les jaloux ont protesté, eux ne pouvant le faire, il n'y a pas question que quelqu'un d'autre le fasse. Alors les jaloux ont protesté, le gouvernement avait trop de problèmes sur les bras pour s'en occuper, ce qui fait que d'autres personnes en affinité énergétique se sont rapprochées d'eux, et progressivement, il y a eu 100 à 150 personnes qui vivaient dans la région. C'était une forme de village, en pleine forêt, sans clôture, sans rien, et suffisamment arrangé. À un moment donné, la Sûreté du Québec s'est pointée là, elle a exigé à tout le monde de déguerpir, et nécessairement, il y a eu des poursuites qui ont été faites, apparemment contre les dirigeants, alors qu'il n'y a pas de dirigeants, et il y avait donc des dommages d'ici et de cela. Alors finalement, la Sûreté du Québec est venue en force pour déloger les gens, mais les gens se laissaient traîner, puis les gens, il fallait tous les mettre en prison parce que les gens revenaient tout là. Alors, comme ça coûtait extrêmement cher au Trésor national et qu'il n'y avait pas de charges criminelles portées contre eux, ça ne servait à rien. Alors, progressivement, les individus sont revenus sur leur territoire et puis, à un moment donné, on a demandé aux Forces armées canadiennes d'aller faire un entraînement en forêt. Et l'entraînement se faisait là. Alors, les soldats sont venus s'entraîner dans le village. Il n'y a pas de conflit. Mais après quelques jours d'entraînement, il y a beaucoup de soldats qui se demandaient si la guerre c'était une chose intelligente ou pas, au contact de ceux qui étaient là. Alors on a fini par prendre des individus qui semblaient les plus rayonnants. On les a mis en prison, on les a accusés. Le procès a été le procès de la société. La société a gagné, donc les individus sont ramassés en prison. Un an après, la majorité des détenus étaient totalement changés. Ils étaient tous à mettre à l'extérieur. C'était correct. La majorité était même plus beau que leurs gardiens. Quoique plusieurs gardiens avaient aussi changé. Et progressivement, comme cela, les personnages en question ont fini par être mis dehors. C'est pas à cause de la bonne conduite. Il y a des juges, il y a des personnes qui vérifient les choses, qui se sont dit « ça n'a pas de style d'allure ». Les individus les plus beaux sur la planète, c'est ceux sur qui, présentement, on tape le plus. Alors qu'ils n'ont foutrement rien fait. Alors, on les a accusés d'avoir coupé des arbres. Eux, ils nous ont dit « regardez le Saint-Laurent, regardez le Saint-Maurice ». Regardez le lac Saint-Jean, regardez les belugas, etc. Alors, il y avait des gros, gros problèmes. On les mettait en prison pour avoir coupé quelques centaines d'arbres, alors que nous, on continue à polluer la planète au complet. Et progressivement, il y a eu ce qui s'est appelé un peuple. Et les individus ne se reconnaissaient que sous un vocable « mon peuple ». Donc, ils se dissociaient totalement du reste de l'humanité et ils avaient décidé qu'il n'y avait pas de frontières. Cela voulait dire qu'ils traversaient les frontières par les voies de la forêt, etc., mais pour eux, c'était comme un chevreuil. Quand un chevreuil rentre sur un territoire interdit, on ne le poursuit pas. De temps en temps, on tire dessus, OK, pour la chasse. Alors, l'humain, c'est la même chose. L'humain peut traverser une frontière sans avoir à montrer patte blanche, tout si l'humain n'a pas de patte blanche. Et progressivement, les conflits à l'échelle planétaire ont augmenté à un point tel que les gouvernements ont dû oublier ce problème national, du moins provincial, et ils sont entrés en guerre. Il y a eu premièrement des conflits internes ici avec les Indiens. Il y a eu des conflits internes entre l'armée française canadienne et l'armée anglaise canadienne suite à une probabilité de séparation de la province de Québec. Il y a eu quelques guerres civiles un peu partout. Il y a eu des problèmes économiques mondiaux. Et progressivement, il y a eu la Troisième Guerre mondiale. Sauf que ces individus n'ont pas été se battre. Ils étaient à l'extérieur, ils n'étaient à peu près pas trouvables dans la forêt, même si on avait envoyé des gens pour les ramasser, parce que nécessairement, en temps de guerre, tout le monde devient traître s'ils ne vont pas se faire tuer. Et ils ne sont pas parvenus à les ramasser. Sauf que plus la guerre avançait, plus c'était évident que les forces armées canadiennes n'avaient aucune puissance. Après 2 mois de combat, ils n'avaient plus rien pour se battre. Alors, les Américains qui étaient ici. Progressivement, les Russes sont descendus. Et ces individus, partout où ils allaient, ils étaient bien reçus. Tout le monde avait entendu parler sur la planète de ce peuple, de ces individus, de cette nouvelle race. Alors, ceux-ci ne survivaient pas dans la forêt, ils vivaient très bien dans la forêt. Ils étaient entourés d'entités naturelles, donc ils avaient suffisamment pour manger, suffisamment, ils avaient chaud. En bref, l'hiver, à moins 40, quand tu t'approchais d'eux, tu commençais à sentir qu'il faisait chaud. Et partout où ils allaient, ils étaient bien accueillis, pour la simple raison qu'ils guérissaient, ils aidaient, ils dirigeaient, ils suggéraient, et surtout, ils imprégnaient. Les individus se sentaient mieux après qu'avant les avoir rencontrés. Et comme ça, il y a eu énormément de conflits, énormément de destruction, et finalement, quelques années plus tard, on parle d'une trentaine d'années plus tard, les individus ont décidé d'arrêter la guerre. Et par la suite, on s'est retourné vers ce peuple pour leur dire simplement, si vous pourriez diriger toute l'affaire au complet, on serait probablement mieux. Et ce peuple est devenu un peuple planétaire qui s'est étendu partout à travers la guerre, parce qu'il y a toujours eu des disciples qui se racolaient à eux. Pour une unique chose, c'est que ces individus-là étaient de la pratique, ces individus-là n'étaient pas de la théorie. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que même lorsqu'il pleuvait, la vie restait aussi belle. Même lorsqu'il neigeait, la vie restait aussi belle. Et que lorsque eux avaient décidé de se laisser accomplir, c'est-à-dire qu'eux n'avaient pas voulu tout contrôler. Alors, ils s'étaient simplement laissés plier. Ils étaient devenus des roseaux, donc lorsqu'ils ventaient, ils pliaient. Lorsqu'il faisait beau, ils se redressaient, il n'y a aucun problème. Pendant ce temps-là, ceux qui étaient rigides cassaient. Alors, ils n'avaient pas de problème. Ils avaient fait de la prison. Pour eux, la prison n'était pas un problème. Ils faisaient longtemps qu'ils voulaient un monastère. Une prison, c'est un grand monastère. Et bref, ils ont vécu. Certains de ces personnages ont été enlevés par des mécaniques extraterrestres. Ils ont été ramenés. D'autres n'ont jamais été ramenés. Ils ont été instruits d'autres peuples ailleurs. Ça fait partie de l'histoire ésotérique future du Québec et de l'humanité. Mais l'humain, il lui manquera toujours quelque chose. Dans ce peuple, il y avait certains personnages qui, un entre autres, qui était assez grand, Il y avait une grosse canne de bois. Et chaque fois qu'il donnait un coup de canne à terre, on sentait la terre vibrer. Bon. Il y a différents personnages comme ça. Ils avaient une symbolique particulière. Ils avaient des signes particuliers. De ce fait, ils pouvaient se reconnaître à travers le monde. Si quelqu'un faisait partie du peuple, c'est facile à trouver. Et ils étaient tous des grands magiciens. Mais des magiciens blancs. Des magiciens qui structurent de l'intelligence. Et quand on parle de magiciens, en réalité, ils étaient des maîtres. Et un maître, c'est un magicien qui n'a pas d'ego. Un magicien, c'est un maître qui a de l'ego. Donc, ils ordonnaient aux forces vitales, ils ordonnaient donc aux forces astrales, et lorsque l'on tirait des balles de fusil en direct dans leur direction, la majorité des soldats qui avaient ouvert le feu tombaient morts sous le bal. Et pour que l'humain en arrive là, l'humain peut facilement utopiser ce genre de choses. Pour que l'humain en arrive là, l'humain doit accomplir certaines choses, l'humain doit changer des choses, l'humain doit se purifier. Mais encore une fois, lorsque on prend l'animal humain, ou on prend l'être humain, celui qui est à conscientisation, et qu'on lui explique certaines choses, l'humain a tellement été investi de médiocrisme qu'il ne croit pas que c'est pour lui. Ou bien il se dit, c'est pour moi la condition que ce soit dans 2 semaines. C'est pour être dans 2 ans, dans 15 ans, c'est pas pour moi. La problématique, c'est que la majorité des personnes qui se conscientisent, un jour se sont dit, tu sais, dans 2 ans, c'est bien trop long. Fait que moi, dans 2 ans. Ça fait 15 ans qu'ils se sont dit ça. Les années passent très rapidement. Les choses vont extrêmement rapidement. On a déjà eu 10 ans et on trouvait qu'à 20 ans, c'est le double de la vie que j'ai passé à la planète Terre avant que j'obtienne ça. Nous sommes rendus à 45 ans présentement. Alors, c'est 4 fois. Ça va vite. Chaque fois que l'humain est confronté à devoir se transformer à partir d'une progression régulière, rythmée. C'est-à-dire que, on a toujours c'est comme par exemple, tu veux faire du conditionnement physique, tu veux immédiatement aller chercher certains résultats. Alors que c'est peut-être mieux de commencer par faire un petit tour de salle, et puis on arrête. Des petites niaiseries. Là, quand tu sors de là, tu te dis, ouais, mais j'ai même pas transpiré. Non. Mais si la progression, elle est régulière, s'il y a une progression, donc, la fois d'après 2 tours de salle, la fois d'après 3, la fois d'après 4, la fois d'après 5. Oui, mais moi, à 10, m'ont commencé à transpirer. Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait? Oh, 4-5 ans, mais avant, j'étais bon, c'est ça. Alors, on continue. À 11, 12, 13, 14, 15, et là, l'individu avance. Sauf que l'individu qui ne va... Probablement, il y a le résultat que l'individu va avoir immédiatement, qu'il pense qu'il est capable d'avoir, et le résultat que l'individu veut être capable d'avoir. Et là, il se met un barème de temps, et c'est là qu'on se trompe totalement. On doit partir avec les choses les plus simples, les plus niaiseuses, et progressivement, on les améliore, on les améliore, on les améliore, on les améliore, on les améliore. Il y a une chose qui est absolument essentielle dans la vie, c'est qu'on ne peut améliorer qu'un moment à la fois. On pourrait dire une journée à la fois. Alors, l'individu qui se dit, hier, aujourd'hui, je suis laid, j'arriverai jamais. Ah, cette journée-là, c'est une journée à la fois, on s'en fout. Le lendemain matin, t'es un autre être humain. Ça fait que c'est celle-là ici que tu dois travailler. Puis la fois d'après, c'est elle que tu dois travailler. Puis la fois d'après, c'est elle que tu dois travailler. Alors, de temps en temps, tu vas descendre. La majorité du temps, tu vas monter. L'individu qui s'enligne immédiatement, ouais, mais ça me prend 2 ans, j'y arriverai jamais. Ben, 2 ans. Pour celui qui a 75 ans, 2 ans, ça peut être très vite. Celui qui a 2 ans, c'est long. Maudit, c'est le double de sa vie. Alors, l'humain doit s'arranger pour accomplir des petites choses et ne pas s'associer à une vision cristallisée de ce qu'il exige de l'avenir. Quand on parle de faire un choix d'homme nouveau, il y en a qui resteront sur la planète, il y en a qui seront enlevés. Il y en a qui seront enlevés simplement par leur dos éthérique. Il y en a qui seront enlevés par des mécaniques extraterrestres. Il y en a qui seront enlevés par des êtres terrestres qui seront mangés. Bon, voilà ça. Il y en a qui resteront sur la planète, parmi les conscientisés. Et l'humain qui essaie déjà de décider qui va faire quoi. Rappelle-toi que de temps en temps, quand je disais dans le séminaire ou dans les cours, bon, qui est volontaire? Celui qui levait la main, je ne les prenais pas. Celui qui ne voulait pas, je le prenais. C'est souvent un peu comme ça. Ceux qui voudront rester, peut-être qu'ils ne resteront pas. Ceux qui voudront partir, peut-être qu'ils ne partiront pas. Évidemment, l'intelligence, c'est l'intelligence. Il n'y a pas un ego qui va dire, tiens, moi, je vais faire comme si je voulais rester. L'intelligence, pas une fois que ça. Ah, je sais pas. Les plus beaux, c'est ceux-là qui seront amenés. Fait que, oublie ça. Ben, ça dépend de leur point de vue. Eh oui. Charles, hein, ce n'est pas positif. Toute l'humanité reste ici. Non, mais je resterai tellement avec, c'est ça. Pour en revenir, lorsqu'il y aura des magiciens là, qui feront de la magie, peu importe le nom, mais quand ce sera correct, Est-ce que c'est à ce moment-là que Lazare va s'éteindre? Du moment que Lazare va se résorber lorsque l'intelligence sera suffisamment humaine. Lazare, c'est le plan, c'est l'expression la plus élevée du plan mental planétaire. Lorsque l'intelligence va commencer à se faire humaine, lorsqu'il y aura suffisamment d'humains capables de recevoir de l'intelligence et capables de l'appliquer, Lazare n'aura plus de raison d'être. Parce que Lazare n'attend que ça. Parce que je voyais Lazare remplacé par le rôle des magiciens, s'ils peuvent contrôler... Quand on parle de magicien, encore une fois, on peut parler de maître, si tu veux. Qu'est-ce que c'est un maître? Un maître, pour plusieurs personnes, c'est quelqu'un qui est capable de vous planter. Un maître, ce n'est pas ça. Un maître, ce n'est pas quelqu'un qui sait tout. Un maître, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de tout savoir. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Un maître, n'importe qui peut devenir un maître s'il accomplit des tâches et s'il exprime, s'il laisse exprimer chez lui de l'intelligence. Une personne va dire, oui, moi, je ne suis pas un maître, je ne peux pas écrire de livre. On n'a rien à foutre. Moi, je ne suis pas un maître, je suis toujours ceci, je suis toujours cela. C'est vrai, tu n'es pas un maître. L'individu qui se plaint, l'individu qui chiale, être un maître, c'est être simple. Mais être pur. Et quand on parle de magicien, on parle de personnes qui auront la capacité de contrôler les choses. Nécessairement, elles se contrôleront eux, elles contrôleront l'astral, elles contrôleront le corps vital, elles contrôleront le corps physique, elles contrôleront l'extérieur, ils seront capables d'être les amis des entités de la nature, ils seront capables d'être les amis de la nature, ils seront capables d'être les amis des humains. Ça, c'est un maître. On ne tue pas un maître. Un maître n'est pas un martyr. Donc, on ne martyrise pas un maître. L'être humain, c'est exactement comme si on disait que pour parvenir à la conscientisation, il y a différentes mécaniques. Évidemment, on passe par la phase de la mentalisation. La phase de la mentalisation, qu'est-ce que c'est? C'est la phase où on doit apprendre par le mental à détruire l'ego. Pas le corps astral, l'ego. Après, on doit purifier le corps astral en éliminant toutes les parties de l'ego. Cela crée une âme pure. Et une âme pure, c'est un double éthérique. Bon. La première chose, évidemment, c'est que l'âme pure, on va la recréer à l'extérieur du corps physique, parce que dans le corps physique, à cause du système endocrinien, on va toujours colorer l'âme pure. Donc, on va créer un double éthérique dans le plan vital, dans le plan moronciel. Quand le double éthérique est suffisamment puissant, il va se rapprocher du corps physique et nous allons vivre une fusion. Lorsque l'on vit une fusion, nous devenons un maître, nous devenons un magicien réel. On peut pratiquer de la magie en attendant, une magie qui n'a comme seul objectif que de nous amener de l'énergie, et non pas une magie qui va faire en sorte qu'on va contrôler autrui. Ça, c'est de la sorcellerie. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce n'est pas une magie dans le but de guérir quelqu'un. C'est une magie dans le but de se guérir soi-même. Ce n'est pas une magie dans le but de rendre quelqu'un évolué. C'est une magie dans le but de nous rendre plus accomplisseurs de ce que nous savons déjà. C'est une magie qui va nous permettre d'augmenter notre potentiel énergétique sur tous les plans. Et non pas une magie qui va contrôler l'extérieur. De ce fait, une personne pourra encore penser, alors si je deviens magicien, je pourrais être plus riche. Tu seras plus riche lorsque ce sera nécessaire que tu le saches, lorsque ce sera nécessaire que tu le sois. Tu ne deviendras pas riche tant que la richesse pourra nourrir ton ego. Pas si le travail est bien fait. Donc, de ce fait, l'individu qui veut être magicien commence par arranger sa structuration corporelle de façon à ce qu'elle ne le manipule plus dans son intelligence. Il pourra avoir des émotions, mais l'émotion ne viendra pas colorer sa vision mentale. L'émotion ne pourra pas venir colorer sa vision supramentale. Ce n'est pas une perfection être magicien. On deviendra parfait, c'est-à-dire parfaitement pur. Donc parfait, par la suite. Mais un individu peut avoir des désirs particuliers et ça ne colore pas sa vision mentale. Par exemple, tu peux avoir un ego qui déteste une personne qui est noire, un noir, et lorsque tu parles avec lui, tu aimes le noir. En même temps, l'ego le déteste. Bon, ben, il continue à le détester, mais ça ne colorera pas ta vision mentale. Et tu ne pourras pas te servir de ta puissance pour travailler contre lui uniquement parce que ton ego n'aime pas la couleur noire. L'individu qui évolue, l'individu qui se conscientise, l'individu qui, dans les temps à venir, les quelques années à venir, on a encore quelques temps en avant de soi, mais il faut commencer à travailler. L'individu qui fera cela est un individu qui devra, probablement, dans la majorité des cas, repartir à zéro. Quand on dit repartir à zéro, ça veut dire repartir à 100 000. Mais dans quel sens? C'est pas à zéro. Dans quel sens à zéro? À zéro, ça veut simplement dire que tu arrêtes tout. Tu dois tout bloquer, toute ton évolution, tout arrêter au complet. Ta vie au complet doit être arrêtée. Émotivement, affectueusement, vitalement, physiquement, supramentalement, tout doit arrêter au complet. Et quand tu as tout à fait tout bloqué, eh bien maintenant, tu dois repartir à zéro. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu vas faire exactement comme si tu étais un nouvel élève dans le monastère de la vie. Un nouvel élève. Un nouveau disciple. Un disciple de toi-même. Cela veut dire que maintenant que tu es nouveau, eh bien, tu vas commencer à faire de l'exercice physique, tu vas faire un demi-tour de salle et tu vas arrêter. Ah, je peux en faire plus. Non, oublie, tu es un nouveau. Tu ne sais pas, tu ne oublies. Prends là, tout ce que tu sais au complet, faisant une structure ascensionnelle, maintenant pars en bas. Oh, mais moi, je suis au niveau 28. Tu atteindras le niveau 28 très rapidement si tu es au niveau 28. Mais tous les petits morceaux qui t'ont toujours manqué quand tu étais au niveau 28, tu vas pouvoir maintenant tous les ramasser. C'est ça la perfection. L'individu est rendu à un niveau très, très, très élevé de connaissances supplémentales, de savoir mémoriel, etc. Mais il n'est pas encore foutu de se contrôler astralement lorsqu'une petite chose arrive. Il n'est pas encore foutu de ne pas gaspiller son énergie vitale ou de ne pas gaspiller son énergie astrale. Pourquoi? Parce que l'individu a augmenté, il a évolué sur plusieurs plans. Le plan physique, il est à 95% évolué. Le plan vital est à 25% évolué. Le plan astral, il est à 75% évolué. Le plan mental à 47% évolué. Le plan supramental à 3% évolué. Et l'individu pense qu'il est rendu au plan supramental. L'individu qui se dit, bon, bien moi, je vais partir d'en bas ici, nécessairement, il va limpifier. Ça va devenir beaucoup plus limpide, l'énergie supramentale, il part d'en bas. Il se dit, bon, tiens, je vais commencer par le corps physique, comme si j'étais un enfant. Oui, mais j'ai plein de caries dans ma bouche, je vais au moins protéger les dents que j'ai, hein? Bon, je commence à zéro. Bon, je commence à zéro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais commencer par la base. Et là, s'il commence par appliquer les mécaniques qui sont à la base, il va très rapidement remonter son schéma jusqu'en haut, mais là, quand il va monter, exactement, on prendra un exemple. Et ce que je dis, c'est ce que je veux qu'il soit dit. L'individu qui, à un moment donné, a fait la structure PMC, 1, 2, 3, 4, 5, 6, PM 6, 5, bloc 2, et 6, les blocs 1, 2, 3, cet individu-là aurait présentement tout intérêt à repartir à zéro, donc recommencer le PMC. Sauf que s'il recommence le PMC, il va avancer à un rythme où, s'il aurait la conscience qu'il a actuellement, s'il avait eu cette conscience à l'époque, il ne serait plus ici à écouter. Quand je dis recommencer à zéro, cela veut dire qu'on repart à zéro avec toutes les formations qui s'est juxtaposées, qui s'est accumulées, qui s'est rajoutées à travers l'évolution des humains. Et on part d'une base où on dit, bien maintenant, j'applique cela. Si on prend l'exemple du groupe des chefs, le groupe des chefs fait la même chose. Dernièrement, ils ont décidé de repartir à zéro, la majorité. Bon, repartant à zéro complètement, eh bien, on se dit, on n'est pas mieux que personne, on n'est nulle part. On est dans rien. Si on est dans rien, cela nous laisse libres. On n'a plus besoin de se débattre pour préserver l'image d'être dans quelque chose. On n'est plus rien. Comme une personne qui se dit, moi, je suis au niveau PMC6, subitement, elle se dit, tiens, je suis au niveau PMC1. Quand je faisais des arts martiaux, quand j'enseignais, c'est intéressant souvent d'être ceinture noire et de mettre une ceinture blanche ou jaune. Là, on est subitement à blanche. On peut niaiser, on peut s'amuser, on peut rire, on peut être comme le débutant. Avec tout le potentiel qu'on a, on est un débutant. Et cela veut dire que toutes les petites choses qu'on apprendrait, oui, mais gars, si peut-être on reprend encore le même mot du premier mouvement, fais-le, bien, je l'ai bien. Pratique-le. Puis c'est vrai que c'est pas long que tu l'as bien, mais bien mieux que tu l'avais 2 heures avant. Et là, tu avances extrêmement rapidement, mais tu ramasses tout ce que tu as manqué. Alors que tu étais... Regarde, qui peut le mieux faire le PMC1, sinon celui qui est de niveau PMC6? Celui du numéro 6. Ah oui, pourquoi? Parce que maintenant, il a la patience, il a l'énergie qui va lui permettre de digérer d'une vraie façon le premier niveau. Et parce qu'il aura ramassé de l'énergie, et c'est intéressant, un peu partout, maintenant, s'il vient ici, regardez-le comparativement au débutant, on dirait un maître. Il fait le PMC1, c'est le meilleur des élèves. Il fera le PMC2, ce sera le meilleur. Et pas au niveau du mérite, on parle au niveau de la perfection. Et là, il accumulera réellement l'information énergétique qui lui permettra d'aller chercher l'un des objectifs du PMC, à être son maître contrôleur. J'en parle parce qu'on va là-dessus. Une chose qui est extrêmement importante, c'est que les individus, par exemple, qui ont fait PMC 2, 3, 4, 5, 6, qui décident de reprendre, et nécessairement, la structure est différente. Pourquoi? Parce qu'elle est proposée d'une façon qui tient compte de toutes les innovations, de toute l'évolution qui s'est faite sur le plan planétaire, ou sur le plan énergétique, ou sur le plan supramental depuis des années. Donc, c'est exactement comme si tu disais, j'ai appris le judo, j'ai appris les 4 premiers mouvements pour la ceinture jaune. Maintenant que tu es noir et tu connais les 8 mouvements, tu reviens en ceinture blanche et là, on te montre les 15 mouvements de ceinture blanche. Ah ouais, mais j'ai recommencé ceinture blanche. Non. tu avais la même couleur. Astralement, tu recommençais. Dans la réalité des choses, tu ne recommences pas. De ce fait, on peut dire, et c'est ce qui arrive aussi, tu es ceinture noire, tu veux te réinscrire au cours de ceinture blanche à jaune, eh bien, on va te charger peut-être 15 piastres, 10 dollars, 5 dollars. Alors que le débutant, peut-être qu'il lui paye 1000 dollars. Pour la simple raison qu'il y a eu le transfert énergétique et un échange énergétique, l'idée n'est pas que tu ramènes de l'argent en bas, l'idée est que tu viennes faire ce que tu n'as pas fait. Parce qu'on a besoin, la planète, sans toi, l'humain, l'intelligence, a besoin d'individus qui ne seront pas uniquement des gruyères de l'évolution. Et c'est toujours la problématique, c'est par les trous que ça sort, l'énergie. L'être humain doit décider de se reprendre à neuf. C'est sur tous les niveaux, au niveau alimentaire, au niveau, de tous les niveaux. Alors, ça, à partir de tout, avec tout ce que je sais jusqu'à aujourd'hui, je deviens le maître de moi-même qui est l'élève. Ça peut être paramétré en même temps. Exactement. Maintenant, descends en PMC1, t'enseigner ce que tu n'as pas appris. Bon, ben. On fait une pause.